160, 180, 200 sont au prix du 140. Grande largeur, sommeil meilleur, et c'est jusqu'au 12 juin. Bonjour la nuit, Maison de la Literie est le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Vos pieds sont fatigués, échauffés, en feu. Vite, la solution, c'est le baume reposant aux plantes Aquiléine. Grâce à ses extraits de plantes, il est agréable comme une crème de beauté et incomparable pour retrouver des pieds légers et prêts à repartir. Pieds échauffés, fatigués, le baume reposant Aquiléine procure une sensation de délassement instantané et durable. Dès la première application, les pieds sont soulagés et rafraîchis. Baume reposant Aquiléine, en pharmacie et espace santé. Aquiléine, nous, c'est le pied. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Salut! Aujourd'hui, comment prendre soin de ta Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone? Alors, c'est super simple. Tu vas sur Internet et tu tapes l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Sélectionne le point de vente le plus proche de chez toi, clique sur la date et l'horaire qui t'arrange et tu valides ton choix. Prenez rendez-vous ou faites réaliser un devis pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Placard, derrière mes nouvelles portes pliantes KZ. Oui, elles sont nouvelles, nouveau design, nouveau coloris. En plus, elles sont faciles à changer. À tout à l'heure, toi. Pour remplacer vos anciennes portes de placard KZ, rendez-vous sur KZ.fr. KZ, les placards de K à Z. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Ben voilà mes enfants, on est dans l'ambiance, hein, qu'on le veuille ou non, ça démarre la fête du football. Donc ça, c'est David Guetta qu'on découvrira ce soir sous la Tour Eiffel avec ce grand spectacle. Par ailleurs, rediffusé, je le rappelle, en direct sur TF1 avec Alessandra Subé. Vous nous en parliez il y a quelques instants, Isabelle Morini-Bosque. Qu'est-ce qu'on fait? On se lit un petit aphorisme, hein, Paris Saint-Germain. Du livre de Cabule et absolument. Des 5 Cabules, les aphorismes de Jean Le Chifflet. Voilà, c'est vous qui me l'avez trouvé en page 68. Paris Saint-Germain, club fondé en 2012 par Zlatan Ibrahimovic. Et ce dessin de Cabu que j'adore aussi, oui. Et donc on voit une dame qui arrive chez sa mère avec une petite valise. À cause du foot, j'ai voulu retourner chez ma mère. Et la mère en question, la mamie, on la voit sauter devant son téléviseur en regardant un match de foot avec une trompette dans la main, un fanion dans l'autre. Et on termine avec Parc des Princes, grand jardin mis à la disposition des princes du Qatar pour qu'ils promènent leur petite famille. Alors, la question qui vous était posée était qui signe le portrait de Raymond Coppa dans la revue des sports, Philippe Delerme ou Bernard Pivot? Voilà, la revue des sports qui est l'un des quatre livres qu'on vous a proposé ce matin, et c'est bien sûr Philippe Delerme qui signe ce beau portrait de Raymond Coppa dans la revue des sports. Je vous rappelle en l'occurrence ces quatre livres choisis par Bernard. Hein, le Cabu, le Polar de Philippe Kerr, l'Anthologie de chez Folio et puis donc la revue des sports dont nous vous avons parlé abondamment. Merci à toute l'équipe de cet excellent moment. On se prépare pour notre soirée. Demain, je vous le rappelle, c'est le début de l'Euro et on retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour Julien. Qui ne sait pas trop pour qui, parce que j'ai envie de parier, mais je ne sais pas trop. Vous avez une idée, vous, si vous deviez parier pour l'Euro, là? Non, je ne sais pas. Si, je mettrais quand même pas. Je dirais peu par. Par patriotisme, je mettrai un petit billet sur la France quand même. Moi, j'ai mis la CGT. Je pense qu'ils vont, qu'ils vont gagner. Qu'à la dernière minute, il va y avoir un truc, une signature. Et la balle, ça y est, il signe. Et puis, mais la CGT va. Je pense, hein, mais maintenant, je peux me tromper. Je suis vraiment votre partenaire, hein, parce qu'à chaque fois, je marche, je ne sais pas où m'emmener. Allez, bonne émission. Salut. Bon, l'Euro va démarrer, mesdames et messieurs, bien sûr. Vous le savez, l'Euro, la musique des supporters. Et nous serons supporters pendant tout l'Euro. Tous les matins, nous serons là et nous parlerons des Bleus et nous les supporterons aussi longtemps qu'il le faudra. Mais là, c'est d'autres matchs qui démarrent. C'est la journée porte ouverte, vous le savez, et la journée porte ouverte est une journée particulière. Le jeudi, c'est journée portes ouvertes. RTL. Faites le 32-10 et vous passez en direct entre 9h30 et 11h dans Ça peut vous arriver sur RTL. Eh oui, le jeudi, vous avez la possibilité, vous le savez, d'appeler à 9h du matin et c'est ceux qui appellent à 9h, contrairement aux autres jours. Vous pouvez appeler l'après-midi, la nuit, quand vous voulez. Mais après, le principe reste le même. Vous avez un souci, eh bien, nous l'avons aussi. Du coup, vous nous le donnez, vous me dites, tenez, voilà la patate chaude, aidez-moi et nous faisons les mêmes numéros que vous pour vous aider ce matin. Car ça a appelé déjà, hein, on a déjà tous les cas, mais il y a Maître Félonneau qui est impatiente. Bonjour à tous. Elle piaffe, comme l'on dit. Nous avons les deux négociateurs, les deux meilleurs de France, Bernard Sabat et Hervé Pouchol. Bonjour Julien. Près de 2000 négociations à leur actif, une résolution de cas. Bravo, ça c'est du chiffre. Ouais. Je commence par Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Jean-Claude, vous êtes sur l'antenne d'RTL. À quelle heure avez-vous appelé, Jean-Claude ? Oh, il est 9h et quelques minutes. Jean-Claude, vous êtes maire d'une commune dans le Pas-de-Calais ? Oui. Laquelle ? Auchy-les-Aidins. Très bien. Et vous nous appelez, car vous-même, en tant que maire, vous n'arrivez pas à calmer les chiens d'une famille du village. Ils s'échappent sans arrêt sur la voie publique et ils mordent les passants. Qu'est-ce que c'est comme race ? Oh, ben écoutez, il y a 5 chiens. Ce sont des chiens de gabarit déjà importants, genre pitbull, si vous voulez. Je ne suis pas un fin connaisseur. Mais toujours est-il qu'ils ont déjà mordu et fait peur à de nombreuses familles. Et vous avez contacté la gendarmerie en tant que maire, et même les gendarmes ne peuvent pas intervenir. Ben écoutez, les gendarmes aussi, ils sont intervenus, ils ont essayé de calmer cette famille en disant « faites quelque chose pour vos chiens », mais... Ça n'a pas donné de résultat. Alors, Maître Fellonneau, dans ces cas-là, on va les appeler, ces gens-là, pour essayer de leur faire comprendre qu'on adore les chiens ici, on n'arrête pas de parler du refuge, mais etc. Mais on ne peut pas laisser des chiens divaguer, mordre et faire peur aux gens. Il y a déjà eu des morsures ? Ah oui, il y a déjà eu morsures, oui. Une dame a été mordue et l'affaire a été suivie par la médecine et tout. Bon, ça n'a pas eu de conséquences. Grave, disons, mais il est vrai que dans cette rue, les gens n'osent plus passer. Les mamans avec leurs poussettes font le détour. C'est devenu dans le quartier. En plus des aboiements, c'est devenu infernal. Bien sûr, Maître Fellonneau. Bon, alors d'abord, il y a quand même le code pénal. Hein, c'est l'article R 622-2 qui punit les propriétaires qui laissent les divaguer leurs chiens d'une peine d'amende. Bon, c'est une amende de deuxième classe. Alors évidemment, ça va pas très loin, mais c'est quand même 150 €. Et puis, en cas de récidive, ça peut aller bien plus cher. La seule chose qu'il y a, c'est que s'ils mordent et qu'ils sont dangereux, là, je ne comprends pas l'inertie de la gendarmerie. En principe, ils ont même le droit d'appeler la fourrière pour prendre un chien dangereux et effectivement prendre après les mesures. Ça peut aller jusqu'à l'euthanasie, c'est très grave. Hein. Ouais, bien sûr. Mais on ne laisse pas un danger public. Ouais. Voilà. Allez, on les appelle dans une seconde. Hervé Pouchol. Il y a peut-être un peu de tapage diurne avec les aboiements également. Hein. Oui, tout à fait. Il a appris le mot diurne, il voulait le placer, monsieur le maire. Ouais. Donc, vous ne vous sentez pas obligé de répondre. On lui a acheté un petit livre, là, de vocabulaire. Ben oui. Et hier, il est tombé sur diurne et il était tout fier de vous le placer. Non, mais vous avez raison. Il y a peut-être un peu de tapage. Deux livres sur les voisins, quand même. Bon. Allez, nous allons les appeler dans une seconde. Vous restez avec nous, monsieur le maire. Nous appelons les voisins. Mais là, je vous rappelle que l'euro va démarrer, que nous voulons vous récompenser aussi d'avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h. Et même d'RTL en dehors des infos. Alors, je vous offre une nouvelle fois, et pour l'avant-dernière fois, ce sera demain la dernière, un écran géant, 165 cm de diagonale, le fameux Samsung, la Rolls des téléviseurs avec les écrans incurvés. Vous répondez à la question suivante, quel est le sélectionneur de l'équipe de France de football ? Est-ce Alexandre Jardin, 1 ou Didier Deschamps, 2 ? Alors, pour cela, vous faites 32-10, touche numéro 2 et vous arrivez au standard jeu, et si vous pensez, comme moi, que c'est Deschamps, vous retapez 2. Si vous tapez 1, vous allez, à mon avis, perdre un peu de sous. Vous bien SMS RTL au 74-900. Donc on a bien dit 32-10, touche numéro 2, puis de nouveau touche numéro 2. Un Samsung incurvé de 165 cm. Le tirage au sort, ce sera juste avant 11h. Le maire est en ligne. Il attend qu'une chose, que nous appelons cette famille. Des chiens divaguent dans la rue et mordent les passants et personne ne fait rien. Nous devons intervenir. C'est la journée porte ouverte. En appelant 32-10 ce matin, vous passez dans l'émission aujourd'hui. Dans une seconde, l'appel téléphonique. Douleur articulaire ou musculaire, mal de dos, mal de genou. Vite, le roller pur essentiel articulation et muscles est le geste antidouleur qui agit par massage express grâce à sa bille massante. Son efficacité apaisante naturelle, rapide et durable est garantie. Ah. Pur essentiel roller articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturelles en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Electro Dépôt. Tout le sport en haute définition, c'est électropossible. Chez Electro Dépôt, le téléviseur connecté HD 80 cm Edenwood garantie 2 ans est à 179,84 €. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation d'un euro. Electrodépôt, élue meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Salut, moi c'est Lucas Plat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, il y a un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte après-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Lucas Plat, tu me regonfles. Quelle affaire. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Propriétaires, professionnels de l'immobilier, confiez à Diagamter vos diagnostics avant la location ou la vente de votre bien. Diagamter, le réseau national de diagnostiqueurs immobiliers certifiés sur diagamter.com. Diagamter, irréprochable pour votre bien. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux. Et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande avec toute leur diversité sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Capture, le crossover ultra personnalisable et sa compile d'équipement. Airlink avec écran tactile, caméra de recul. Renault Capture est à partir de 169 euros par mois, sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Capture Life Energy de TCE 90, LLD 49 mois, 40 000 km maximum, sous réserve d'acceptation par Diac et Sar. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire, réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Grâce à la carte Confort Plus, profitez des ventes privées Conforama. Mais faut la carte, hein. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable jusqu'au 20 juin, voir conditions sur Conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Monsieur le maire, Jean-Claude est en ligne. En tant que maire, il ne peut même pas lui-même arrêter cette famille qui laisse les portails. Est-ce qu'ils ont une clôture, monsieur le maire, au moins ? Oui. Voilà, oui, donc oui. Il a laissé ouverte. Il y a une clôture qui a d'ailleurs été révisée X fois suite à l'intervention de la gendarmerie. Mais ceci n'empêche pas les chiens de se jeter dans cette clôture lorsqu'il y a un passant sur le trottoir. Peu importe, donc ça donne une frayeur, disons, à tout le monde, et c'est pas possible. Les mamans arrivent dans mon bureau en pleurant, en disant ça continue, quoi. Vous êtes sûr qu'elles vous parlent des chiens, monsieur le maire, qu'elles ne sont pas amoureuses de vous et que vous ne les rendez pas folles toutes là-bas ? Non, rassurez-vous. Parce que, au son de votre voix, j'entends que des femmes peuvent rapidement pleurer. Ah oui. Jean-Claude, nous appelons, c'est parti. Nous faisons l'appel téléphonique. Mais bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Ah, c'est celui que vous nous avez donné, monsieur le maire. Donc on va en faire un autre. On en a deux, je crois qu'on est important. Apparemment, le premier n'est plus attribué. Ou alors on l'a mal noté. Peut-être, mais ça ne m'étonne pas. Alors peut-être qu'on l'a mal noté. Vous les avez eus au téléphone pour la dernière fois quand, monsieur le maire ? Oh là, ça date de plusieurs mois. Alors vous voyez, il n'est plus attribué celui-là. On en a un deuxième, on va voir. J'espère que celui-ci sera attribué. Je rappelle que c'est là, il n'y a pas de vérification. C'est la porte ouverte. Vous nous appelez à 9h. On vous prend sur l'antenne à 9h30. Le deuxième est lancé, ça y est. Le deuxième est lancé chez ce fameux voisin. Après, c'est peut-être la préfecture. Il faudra voir Maître Fellonneau qui peut nous aider. La gendarmerie, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, la gendarmerie ? C'est maître. Vous dites Maître Fellonneau, maître du. C'est-à-dire qu'il pourrait appuyer le maire si le maire prenait Bienvenue un arrêté. Sur la boîte vocale du 09. Bon, alors là, pour l'instant, ils ne répondent pas avant de lancer l'appel. On essaie d'appeler la gendarmerie, monsieur le maire. Vous croyez que ça changera quelque chose ? Je ne sais pas. Je n'ai rien à leur reprocher de particulier. Ils ont fait leur travail. Nous. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut mettre une amende ? Ça, vous avez dû en parler avec eux. Oui. Ils l'ont là, mis. J'avoue ignorer toute la procédure, mais Est-ce qu'ils sont en mesure de donner une amende ? Là, je ne sais pas. C'est parti, nous appelons la gendarmerie pour leur demander. Merci Bernard Defer et Sarah, le numéro, parce que nous l'avons donné. C'est sûr que faire une réprimande, c'est bien, mais s'il y a des morsures et tout, je pense que la gendarmerie... Non, mais surtout, le maire peut prendre un arrêté et à ce moment... Oui, bonjour la gendarmerie. Oui. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec monsieur le maire de Auchy-les-Dins, monsieur Darc. Est-ce qu'éventuellement... Là, il a raccroché ? Oui, ils ont raccroché. Ah ça monsieur le maire, ça va pas être facile. Si quand on appelle la gendarmerie, il raccroche au nez, je pense que ce monsieur pensait que c'était une blague. Oui. On va le refaire une deuxième fois. Mais peut-être que vous allez lui parler monsieur le maire, comme ça il dira c'est pas une blague. Et... Bonjour, vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Gendarmerie, bonjour. Alors, bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur RTL, on vient de me raccrocher au nez. Je suis avec monsieur Darc, le maire de Auchy-les-Dins, qui va vous dire bonjour. Il a re-raccroché. Alors monsieur, on va faire différemment. Monsieur Darc, vous êtes loin de la gendarmerie, vous ou pas ? Non, il y a 2 kilomètres. Est-ce que vous, il serait possible que vous vous rendiez là-bas avec votre téléphone et vous me les passez ? Parce que là, ils n'y croient pas. Alors je vais lancer un appel. Ou alors, vous les appelez, là, maintenant. De moi, là où vous êtes. Les appeler. Alors leur disant, ce n'est pas une blague, ils vous appellent vraiment. Comme ça, vous me rappelez et je les rappelle. Rendez compte un d'accord. peu. Ah hein ? Bon, d'accord. Allez, on va essayer de faire ça. Niveau préfecture, Jean-Claude, en tant que maire, vous vous êtes renseigné un petit peu ? Non, pas spécialement. Jusqu'alors, on s'est simplement rapproché de la gendarmerie, si vous voulez, c'est tout. Hein. D'accord. Maître Fellonneau. Oui, moi, monsieur le maire, il y a un article du Code rural qui vous donne la possibilité, si vous prenez un arrêté qui oblige les gens de museler leurs chiens ou les tenir en laisse dans votre commune, de quand vous avez un chien qui divague, de le faire prendre par la fourrière. Et après, effectivement, on voit avec le propriétaire, oui, et là, les choses deviennent plus sérieuses. Je sais que c'est difficile, monsieur le maire, mais il y a des moyens juridiques, déjà. L'arrêté municipal, il est pris, si vous voulez. Il faut le faire appliquer maintenant. Voilà, il faut le faire appliquer. Que vous êtes sur une propriété privée avec un grillage, des chiens à l'intérieur. Non mais Jean-Claude, monsieur le maire, vous êtes sur une propriété privée quand les chiens sont dans la propriété privée. D'ailleurs, s'ils restaient dans la propriété privée, vous n'auriez pas à vous plaindre. Mais à partir du moment où ils divaguent, l'arrêté n'est plus respecté et là, ils peuvent être verbalisés. Oui, bien sûr. Voilà, mais ça, c'est à la gendarmerie de le faire. Ça n'arrive que de manière épisodique. Oui, et le problème, c'est que quand ça arrive, la gendarmerie n'est peut-être pas là pour le constater, voilà. etc. Je comprends. Bien, nous allons avancer et essayer de les appeler. Mais auparavant, j'ai besoin d'avoir la gendarmerie, donc je compte sur vous. Hervé Pouchol. J'aurais une question à poser à monsieur le maire. De quelle sous-préfecture dépend Auchy ? Avennes, Cambrai, Douai, Dunkerque ou Valenciennes ? Montreuil. Voilà, aucune de celles que vous avez citées, Hervé. Donc, encore une fois, une belle recherche. C'est vraiment la Sainte Hervé aujourd'hui. Après le tapage d'urne, il s'est dit j'ai raté mon coup avec le maire, avec Diurne, je vais l'impressionner une deuxième fois. Je vais lui sortir mon enquête avec 4 sous-préfectures et je vais lui demander de quelle sous-préfecture dépendez-vous. Ça va le calmer. Et là, il en sort 4 et c'est aucune des 4. C'est la Saint-Pouchol. Nous allons réussir l'euro. La France va gagner, c'est sûr. Aujourd'hui, je sens qu'il y a des bonnes ondes. Oui, Bernard. C'est pas terminé, c'est lui qui nous avait donné aussi le premier numéro qu'on a fait, Hervé. Donc c'est la totale. Alors on va tout 203. D'accord, non, mais ça peut arriver. Allez, monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, on ne lâche pas l'affaire. Avant d'appeler ces gens-là par le porte-voix, je veux avoir la gendarmerie, j'attends que vous les appeliez. On va se retrouver dans quelques instants. Nous allons pousser un sacré coup de gueule dans quelques instants également sur RTL. Car c'est un cas que nous avons traité. Quelqu'un qui nous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et aujourd'hui, il y a une femme qui est dans une situation désespérée. Et je sais pas, je pense plus qu'on va pouvoir l'aider et qu'il n'y a plus que la justice qui pourra le faire et encore. Mais vraiment, ce monsieur, j'aimerais lui dire que c'est pas bien de faire des promesses et de mentir comme ça. Néanmoins, il n'empêche qu'en faisant le 30 de 10, touche numéro 2, puis encore touche numéro 2, vous pouvez gagner le fameux Samsung. 165 cm, c'est l'avant-dernier. Il en reste plus qu'un demain. Et encore, je suis pas certain qu'on se le garde pas pour nous. Donc, profitez-en aujourd'hui. Ou bien SMS RTL au 74-900. À tout de suite, alerte de la gendarmerie. Dès que nous les avons, et ce deuxième cas scandaleux sur RTL, 10h moins le quart. Allez les Bleus, allez l'équipe de France, Alain Hazard qui est un grand spécialiste et le rédacteur en chef de l'émission, un spécialiste du football. Pendant combien de temps a-t-il été journaliste dans tous les journaux ? D'ailleurs, quels sont les supports presse sur lesquels vous avez travaillé ? Le Parisien, France Soir, l'hebdomadaire Le Sport notamment. Voilà, et donc vous voyez l'équipe de France gagner ? Ah oui, vraiment, je les vois gagner, mais...

Mystery, steady on down the line, lose every sense of time, take it all in, wake up that small part of me, day to day I'm blind to see, and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way, we're just catching and releasing. I'm a catch and release. C'est Matt Simon sur RTL, 9h52. Nous revenons donc sur le cas numéro 1. Un maire nous appelle dans cette spéciale porte ouverte. Le maire de Auchy-les-Dains, Jean-Claude Darc, qui nous dit « J'ai dans ma petite commune des gens qui ont 5 chiens. » Et les chiens divaguent, un peu comme la Belle des Champs qui divaguait, vous vous en rappelez, ah oui. Quand tu divagues dans les pâturages. Et bien là, c'est pas dans les pâturages, là, elle va en, ils iraient en centre-ville et ils mordent. Et il nous dit, j'ai été voir la gendarmerie. Alors, on va les appeler, la gendarmerie, puisque monsieur le maire, on a appelé déjà tout à l'heure, mais la gendarmerie nous a raccrochonné en pensant que c'était une blague, évidemment. Donc, on peut les rappeler là, puisque le maire les a prévenus. Vous les avez prévenus, Jean-Claude? Il n'est pas là, Jean-Claude. Le gendarme m'a dit être, avoir beaucoup de problèmes à résoudre, donc Il est en ligne, il est en ligne. Allô, la gendarmerie? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Julien Courbet, c'est pas une blague? Oui, on vient de m'appeler. Donc... Parce que tout à l'heure, voilà, on nous a raccroché. Non, juste, on essaie de voir, le maire est un peu affolé par ces chiens qui divaguent et mordent. Quels sont les, on voulait essayer de savoir et d'expliquer aux auditeurs quels sont les pouvoirs de la gendarmerie dans ces cas-là. Je vais vous passer la personne adéquate, hein. D'accord. Très bien, merci beaucoup. J'adore parce qu'avec les gendarmes, il y a toujours des adéquates. Affirmatifs. Mais c'est bien. Vous savez, ce sont les derniers gardiens de la langue française. Nous traitons votre appel. Un jour, ils finiront, la nouvelle génération de gendarmes parlera comme dans Les Anges, Reverlan. Mais évidemment. Wesh. Bien sûr. Il y a Lienche. On a essayé de le resser, Lienche, mais... On n'a pas eu... On l'a pas eu, le Yinche, Irouk, Trottevi. Bon. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame, je suis, comme vous le savez, avec le maire Jean-Claude Darc sur l'antenne, et on essaie de comprendre comment stopper ces chiens qui divaguent de temps en temps, mordent et font peur à la population, et on voulait savoir quels étaient les pouvoirs de la gendarmerie dans ces cas-là pour... Oui, écoutez, je vous passe le commandant. Ah d'accord, merci, ben, c'est gentil. Dites donc, vous avez une sacrée gendarmerie, Jean-Claude, là-bas ils sont nombreux, hein. Ah oui. Il y en a combien, à votre avis? Parce qu'on finit à 11h. Avec la gendarmerie nationale. Veuillez patienter quelques instants. Vous savez, ça rappelle un peu. Je tape ton numéro. Hein. Allô? Oui. Monsieur le commandant? Capitaine. Mon capitaine, pardon. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis en ligne avec le maire Jean-Claude Darc, que vous connaissez bien sûr de votre commune. Et on essaie de comprendre comment l'aider à arrêter ces chiens qui divaguent de temps en temps et font peur. Oui, bonjour, c'est le commandant de brigade de Saint-Paul-sur-Tarnoise. Je sais plus, monsieur. Vous savez, vous êtes la quatrième personne qu'on me passe, je ne sais plus à qui je parle. Alors, bonjour, voilà. Donc, Julien Courbet à l'appareil. Bonjour, nous monsieur. Sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec Jean-Claude Darc, le maire de Auchy-les-Dains. Je connais et très bien. Voilà. Il nous a expliqué son problème de chien qui divague, qui mordent et qui peuvent faire peur. Et on essaie de savoir comment on peut arrêter cette situation. Est-ce que vous avez l'arsenal nécessaire pour mettre une amende, puisqu'il y a eu un arrêté, pour que ces gens arrêtent? Bah, écoutez, oui. De toute façon, c'est un problème qui a déjà été abordé avec monsieur Darc, hein. Je pense qu'il nous écoute d'ailleurs. Oui, il est en ligne. Voilà, tout à fait. Bonjour monsieur Darc, hein. C'est le lieutenant à Paris. Écoutez, bah oui, de toute façon, il y a des procédures qui sont en cours. Hein. Mais quel genre de procédure, monsieur? Le fait de faire divaguer des chiens est une infraction, effectivement, c'est une contravention. Donc il y a eu des contraventions? oui, qui ont été, qui ont été actées en procédure, hein, effectivement, qui ont été transmises, donc ce qu'on appelle l'officier ministère public. Ah. Maintenant, il faudrait effectivement que je vérifie si effectivement il y a retour. Je ne peux pas trahir le secret de l'enquête. Hein. Non, bien sûr. Nous allons voir, je vais revoir la question directement, faire le point avec Monsieur Darc, hein, avec Monsieur le maire d'Auchy. D'accord. Qui a déjà été faite. Bon. Et peut-être un petit rappel éventuellement à l'ordre à ces gens-là en passant, mais bon, j'ai peur que ça soit un peu compliqué. Fait, ouais. Il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres, bien sûr. À l'action de la justice. Je peux vous assurer que des procédures officielles ont été faites, ont été établies. Je vais faire le point dès ce jour, ou selon les disponibilités de M. Darc. Je compte sur vous, parce que pour qu'un maire, on en arrive à appeler une radio pour essayer de régler ça, c'est que le pauvre, il est un peu démuni. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu surpris, d'ailleurs. Oh, écoutez, ça nous donne l'occasion de parler. Ça me semble un petit peu disproportionné. Il y a eu plusieurs familles dans les derniers temps qui sont encore intervenus. Je dis, bon, la gendarmerie n'est pas en cause, je l'ai dit à Julien Courbet, il n'y a aucun souci là-dessus, vous avez fait tout votre travail, mais je me dis, comment peut-on aller plus loin pour enrayer ce phénomène. Non mais monsieur, moi je voudrais m'adresser je ne sais plus si c'est le capitaine ou le commandant, mais il n'y a pas de disproportion, monsieur. Voilà, on fait des missions de radio, voilà. On règle les petits problèmes du quotidien. Comme vous, je suppose que vous faites des petites interventions sur des chiens, vous ne faites pas que courir derrière des meurtriers. Ah. Je veux dire, nous c'est un petit peu la même chose, et on a un maire qui nous demande un petit coup de main, on lui donne, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Voilà, bon monsieur, merci en tout cas à la gendarmerie. Monsieur Darc, j'en profite, voilà. Comme vous êtes à l'écoute, je vous attends dans mon bureau dès ce matin. Voilà, monsieur Darc, si vous pouviez aller le voir pour discuter de ça. Allô? Allô? Oui, comme ça vous lui parlez de l'évolution de l'enquête. Oui. Parfait, super. On se retrouve dans une seconde sur RTL. Je voudrais pas que le maire aille en prison quand même. Mais non. Il manquait plus que ça maintenant. Ah, mais tiens, regarde, on a fait venir le chien. Tiens, regarde le maire, approche-toi. Vas-y. Voilà, mords-le. Non, ça va se finir comme ça, t'imagines. À tout de suite sur RTL. Agnès ? Oui ? Chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. La porte de garage automatique motorisée est à 398 €. Et hop, tu la fermes. Comment ça, je la ferme ? Bah, la porte du garage, elle est automatique, donc hop, tu la fermes. La porte ! Oui. Je ferme la porte ! Bah voilà, quand même. Gédimat, matériaux et bricolage. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non ? Mais enfin, Berthier, vous vous sentez bien ? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec un an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Hors vitamine et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve d'acceptation de l'assureur dans les points de vente participants. Conditions de l'offre détaillées sur citroën-assurance.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oui, et ils remettent le paquet, hein. En ce moment, pour tous les supporters de foot, le paquet de 200 grammes de chips aromatisés est à 99 centimes. Quoi ? Même pas 1 € le paquet de chips aromatisés ? 99 centimes, patron. Et il y a plein de goûts francs, hein. Herbe de Provence, jambon fromage, moutarde de Dijon et Roquefort. Ah, ils vont faire un carton. Pour toi, le carton, il est rouge, ouais. On est mal, je sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4,95 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, ben, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, les pneus Kléber et Uniroyal sont à 49,95 € seulement. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Alors attention, nous allons prendre 20 secondes pour vous réexpliquer comment gagner le super téléviseur Samsung de 165 cm. Vous faites le 32-10. Une fois que vous arrivez sur le 32-10, vous faites le choix de la touche numéro 2. Là, vous arrivez au standard jeu. Et là, vous avez le choix entre donner la réponse 1 ou la réponse 2. Et vous retapez sur la 2 pour donner la bonne réponse que je vous glisse comme ça. Ou bien, vous faites SMS, RTL au 74-900, ce qui est une méthode différente. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov'. » J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov' est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov'. » Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. RTL, 10h. L'information sur RTL avec vous, Céline Landreau, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le RERC va recommencer à circuler demain à Paris. Le trafic avait été interrompu en raison des inondations la semaine dernière. Une reprise partielle, seul un train sur deux en raison de la grève. La grève qui entre dans sa 9e journée à la SNCF ce jeudi, avec un trafic toujours perturbé. 4 TGV sur 5, 6 TER sur 10 et un Transilien sur 2. Grève des éboueurs aussi en région parisienne. Les poubelles s'amoncellent dans la capitale, mais aussi dans le sud du pays. L'incinérateur de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône est toujours bloqué. Action coup de poing également de militants CGT ce matin à Rungis. Plusieurs centaines de manifestants ont perturbé pendant quelques heures l'accès au marché. Il faut que la pagaille cesse, estime ce matin Ségolène Royal. La ministre de l'écologie appelle à un sursaut de sagesse à la veille de l'ouverture de l'Euro de football. L'Euro et les Bleus qui déménagent ce matin. L'équipe de France ne dormira pas à Clairefontaine ce soir, mais dans un hôtel parisien à Bercy, plus près du Stade de France où se jouera le match d'ouverture demain soir face à la Roumanie. Ça va mieux sur le front de l'emploi. Près de 160 000 postes ont été créés dans le secteur privé sur un an. Une hausse de 1% mesurée par l'INSEE. C'est la plus forte augmentation depuis la crise de 2008. Un sixième suspect, un homme de 40 ans, a été arrêté et placé en garde à vue hier dans l'enquête sur l'incendie d'une voiture de police à Paris. Le véhicule avait été incendié le 18 mai par des manifestants alors que deux agents étaient à l'intérieur. 5 personnes sont déjà mises en examen dans cette affaire, notamment pour tentative de meurtre sur policiers. Israël suspend les permis d'entrée délivrés aux Palestiniens pendant le Ramadan. Plus de 80 000 personnes sont concernées par cette mesure. Première riposte au lendemain de la fusillade qui a fait 4 morts et 5 blessés hier soir à Tel Aviv. La bourse de Paris a ouvert en légère baisse ce matin, moins 0,26%. Le CAC 40 s'établissait à 4437 points. Et puis un mot du temps, ensoleillé sur une grande partie du pays aujourd'hui. Des averses persistantes quand même des Vosges aux Alpes-Maritimes et sur la Corse. Les températures de 17 à 31 degrés cet après-midi des côtes de la Manche au golfe du Lion. Vous aurez 20 degrés à Lille, 23 à Nancy, 24 à Paris, 27 degrés à Marseille ou encore 28 à Bordeaux. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Les courses à Vichy cet après-midi. Bernard Glass vous propose de jouer le 5, l'As, le 8, le 3, le 15, le 12, le 18 et le 17. 5, As, 8, 3, 15, 12, 18 et 17. Sa dernière minute, c'est le 18, Swedish Man. Il est 10h03, vous écoutez RTL. Julien Courbet revient maintenant pour la suite de Ça peut vous arriver. Merci beaucoup, à tout à l'heure 11h pour d'autres infos. C'est la porte ouverte aujourd'hui, je vous le rappelle. Le jeudi, c'est journée portes ouvertes. RTL. Faites le 32-10 et vous passez en direct entre 9h30 et 11h dans Ça peut vous arriver sur RTL. Le principe de la porte ouverte, c'est que ceux qui appellent dès 9h du matin passent sur l'antenne le jour même. Nous avons eu un maire, Jean-Claude Darc, maire de Auchy-les-Dains, qui nous dit « J'ai dans ma petite commune des gens qui ont 5 chiens, je crois que c'est 5, hein, qui divaguent de temps en temps, mordent, font peur, je ne sais plus quoi faire. » Nous avons appelé la gendarmerie. La gendarmerie nous a dit « On a lancé une procédure, mais je ne sais pas où ça en est. Et de toute façon, où est-ce que ça va se terminer cette procédure ?» J'ai vu hier dans Le Parisien ou ce matin que quelqu'un qui avait quand même enterré son chien vivant a pris du sursis. Il l'avait enterré vivant et attaché à un sac de, une pierre ou un sac de ciment. Il a pris du sursis. Je me demande si à un moment donné, on n'a pas intérêt à donner des peines un petit peu plus dissuasives. Ouais. Parce que quand on en arrive à enterrer une bête vivante, vous pensez bien que là, pour un chien qui divague, je ne vois pas trop où va aller la procédure. Mais bon. Alors, vous avez, vous nous le direz tout à l'heure, Maître Félonneau, trouvé peut-être une petite parade, mais là je voudrais tout de suite, dans cette porte ouverte, qu'on revienne sur un vrai coup de cœur pour l'auditrice et un vrai coup de gueule pour celui qui nous a pris pour des gogos. Il a bien eu raison parce que ça a marché. Myriam est passée lors d'une porte ouverte en février dernier. Est-ce qu'elle est là, Myriam ? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour, ma Myriam. En allant sur Facebook et en tapant « Ma maison, mon cauchemar », vous verrez l'histoire de Myriam. Myriam, vous avez acheté une maison le 6 août 2015. C'est le rêve de votre vie, ainsi que de votre fils de 7 ans. Vous faites des travaux de rénovation par un artisan. C'est le mari d'une amie. Hein. 18 000 euros, plus une rallonge de 1 200. Il y a des malfaçons et la maison est maintenant habitable, tellement habitable que depuis que l'on a fait l'émission, ça s'est dégradé. Où en est-on aujourd'hui, s'il vous plaît, Myriam ? Alors aujourd'hui, on en est que ce charmant artisan a abandonné le chantier. J'ai fait venir un expert qui a constaté toutes les malfaçons et il a dit que rien n'était fait dans les règles de l'art et le chantier était déplorable. La maison n'est pas habitable, était même dangereuse. J'ai dû faire intervenir un huissier pour nous autoriser à dégager toutes les malfaçons. Donc la maison, il reste plus que les murs, deux plateaux et le plafond. Alors j'aimerais que nos auditeurs aillent sur notre Facebook, la page ça peut vous arriver, ils peuvent aussi aller sur le vôtre, ma maison, mon cauchemar, pour voir l'état de la maison et qu'on n'est pas en train de parler là, de finition et de déco. C'est vraiment la cata. Alors voilà ce que l'artisan avait dit sur l'antenne d'RTL en direct. Vous avez une assurance ? Non. Vous n'êtes pas assuré ? Non, non. Vous saviez pas qu'il fallait s'assurer ? Si, si, monsieur, mais bon, vu la conjoncture actuelle, si vous voulez... Comment on va se sortir de ça, monsieur ? On va tout faire pour lui faire les travaux, voilà. On fait comme ça, monsieur ? Pas de problème, monsieur. Donc, règle numéro 1, vérifier si l'artisan est assuré, bien assuré. Ce monsieur n'était même pas assuré. Et là, aujourd'hui, eh bien, le couperet est tombé, Sarah, puisque ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout simplement disparu la circulation. Il avait repris les travaux, comme elle vous l'a expliqué. Malheureusement, c'était justement pas à refaire. Donc, tout a été détruit dans la maison. Il ne reste plus rien. Comme vous l'avez très bien dit la dernière fois et aujourd'hui même, il n'était même pas assuré, c'est-à-dire qu'elle reste avec ce crédit qu'elle paye tous les mois. Elle ne peut plus payer de loyer à côté. Elle vit dans une seule pièce avec son enfant. Franchement, c'est terrible. C'est pour ça que c'est pas l'artisan qu'il faut appeler. C'est TF1. Il faut remettre l'émission tous ensemble. Parce que là, du coup, j'aurais pu aller là-bas et on refaisait la maison gratuitement. Mais elle n'y est plus, l'émission. Donc remettez-la que je puisse aider au moins une fois Myriam. Voilà, c'était bien, ça marchait bien, tout allait bien. Oui, Sarah. Mais justement, on la regrette vraiment et Marc-Emmanuel aussi. Il faut dire qu'il y a énormément d'artisans qui veulent l'aider. Il y a une page que vous l'avez citée, Ma maison, mon cauchemar, avec une cagnotte pour éventuellement tout remettre en état. On l'appelle, c'est parti. On lance tout de suite l'appel à ce monsieur qui nous a dit sur l'antenne je vais aller terminer. Car encore une fois, il était pas assuré, ferme sa société, c'est une chose. Mais on peut pas après se dire ça y est, j'ai mis quelqu'un dans la mouise jusqu'au genou et tant pis, ma vie continue. Enfin, on se regarde dans la glace, on se dit je vais essayer de trouver des solutions, même si j'ai plus d'argent, appeler des collègues, organiser peut-être de la solidarité, mais c'est de la folie ça. Mais moi je voudrais vraiment l'avoir sur l'antenne d'RTL, ce monsieur. Tentez le deuxième numéro s'il vous plaît. Et après on en a un troisième pour qu'il nous dise ce qu'il compte faire. Allô, il y a quelqu'un ? Oui, Sarah, on bascule, s'il vous plaît, allô ? Non, non, il est là, il écoute, en fait. Ah, bonjour, monsieur Michal Luesma. Monsieur Michal Luesma, s'il vous plaît, êtes-vous là ? Bon, il ne veut pas me répondre, c'est pas grave, on va l'appeler. Michal Luesma. Michal Luesma. C'est la traversée de Paris. Qu'est-ce qu'il disait, monsieur Janvier ? Janvier ! Michel Luisma 43 rue là-dedans. Pour moi, ça sera 500. On va faire ça s'il le faut. Allez, Michel Luisma, soyez sympa. Là, on parle d'un drame humain en plus. Vous verriez l'état. Regardez les photos. On ne peut pas comme ça faire la politique de l'autruche. Et puis, s'il ne veut rien faire, il a le droit de nous dire je ne fais rien. Est-ce que Michel Luisma, c'est dans quelle ville, Myriam ? Michel Luisma. Lui, il habite plus Saint-Etienne. Il a déménagé. Il habite Marcelot. Il habite Marcelot. Marcelot. Michel Luisma, Marcenot. Allez, on continue, vous me faites l'alerte dès qu'il y a quelqu'un. Tout de suite sur RTL. Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam oui. À 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé ? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Vous manquez de lumière et d'espace ? La solution, c'est une véranda rideau. Une pièce en plus qui vous ressemble, conçue avec qualité pour répondre à toutes vos envies et à tous vos besoins. Et en ce moment, Stéphane, Véranda Rideau, le leader de la véranda en France, offre 150€ tous les 1000€ d'achat. Modalité en espace conseil et sur verandarideau.com. Allez hop hop hop, touche chez Véranda Rideau. Jean-Pierre, mon ordi est encore planté. Allons, Isabelle, goûtez-moi cette tablette au caramel fondant de Réauté Chocolat. Fabricant français. Jean-Pierre, j'adore votre nouvelle coiffure. Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat, avec 16 nouvelles tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, 51 magasins. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis à Orléans, dans le magasin de Jean-Baptiste Vapro. Efficace la nouvelle promo ? Largement. L'opération Grande Largeur, c'est jusqu'à 40% d'économie. Toutes les largeurs de matelas, 160, 180 et 200, sont au prix du 140. Grande Largeur, sommeil meilleur, et c'est jusqu'au 12 juin. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Et le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. 194€ par mois, offre valable pour une Seat Leon référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non mais tu veux pas que je la refasse pour le plaisir parce que la Seat Leon référence à partir de 194€ par mois, à ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2 700€ suivi de 36 loyers de 194€ sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur seat.fr. Venez en profiter ce week-end lors des portes ouvertes chez votre partenaire Seat. Ouverture selon autorisation. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Déjà, nous allons récapituler le jeu, car je crois que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse vous faire. L'Euro démarre demain, et pour vous remercier d'avoir fait de cette émission, le 9h30, 11h RTL, l'émission la plus écoutée de France, avec plus d'1 300 000 auditeurs à chaque instant, soit quasiment le double de tous les concurrents, eh bien c'est normal que vous soyez récompensés. Voici une télé Samsung 165 cm de diagonale, écran incurvé, 3210 touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu et vous rappuyez sur 2 pour donner la bonne réponse. Ou SMS RTL au 74 900. En ce qui concerne cette maison catastrophe, cet artisan qui est venu, qui n'a pas fait les bons travaux, qui maintenant a déposé le bilan, qui avait promis qu'il y retournerait, laissant une mère avec son fils, avec des câbles qui pendent partout, vous avez vu les photos, où en est-on s'il vous plaît avec Michal Luesma? Est-ce que quelqu'un peut rappeler, puisque tout à l'heure nous l'avions, Hervé? Écoutez, ça ne répond pas pour l'instant. Et vous, Bernard? Ça ne répond pas non plus, mais Sarah tente le dernier numéro si vous voulez bien en direct. D'accord, c'est parti. Donc nous avons tenté deux numéros chez Michal Luesma. Sur la boîte vocale du 09. Ça c'est Aurélie Luesma, qui n'a rien à voir, c'est son épouse, mais peut-être qu'elle travaille avec lui. Myriam, est-ce que l'épouse travaille avec Michal? Ah oui, non, mais c'est un couple diabolique. Ah non, ne dites pas ça. Ça, Myriam, je n'en sais rien. Nous sommes en direct et je contredis ce que vous dites parce que je ne sais pas s'ils sont diaboliques. Je vois les travaux qu'ils ont fait, la situation dans laquelle ils vous laissent, et les promesses qu'il a fait sur RTL, de là dire qu'ils sont diaboliques, ça je ne peux pas le dire. Donc rappelez-moi que Michal Luesma est dans quelle ville ? Il est à Marcenau. Allez, si quelqu'un connaît Michal Luesma à Marcenau, on aimerait bien avoir des explications sur ce chantier, car il y a une mère avec son fils. Vous dormez dans la même pièce maintenant ? C'est ça, on dort tous les deux avec mon fils, et cette situation a même joué sur la scolarité de mon fils. Ben évidemment, vous pensez bien, parce qu'il ne doit plus pouvoir faire venir des copains, il doit avoir honte c'est de ça. La situation, on connaît ça, je vous dis, quand on parlait de l'émission Tous Ensemble, c'était ça le drame, c'était qu'au-delà du fait qu'il y ait des gens qui vivaient dans leur mobil-home, dans leur voiture, les enfants commençaient à lâcher prise, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils n'aient pas la même vie que les autres. Donc, écoutez, on va lancer un appel tous les jours et puis après, on essaiera de faire une opération solidarité pour voir comment on peut retaper un peu la maison et on va se battre jusqu'au bout. Je veux juste que Monsieur Luesma, soyez sympa. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, posons les coronets sur la table et disons clairement ce qui va se passer. Si c'est rien, vous le dites. Mais vous l'avez planté, vous avez encaissé. C'est par une copine. La copine, elle dit quoi d'ailleurs ? Ah ben la copine, j'ai plus de nouvelles d'elle. Hein. Bah évidemment. La copine, elle lui a dit, je te connais un petit artisan, il va te faire du sur-mesure. Effectivement, il lui a fait du sur-mesure. Et maintenant, l'artisan, il ne fait plus rien. Donc, on va essayer de lancer tout ça. Monsieur Luesma, merci. Et sinon, qu'on réveille Marc-Emmanuel, il est tellement sympa. Moi, je le veux bien, je l'accueille, Marc-Emmanuel. Ben, je sais bien. Dans ma petite pièce, j'essaie de lui payer un café. Non, mais ça serait, vous savez, ce qui serait formidable, c'est que pour une seule émission même, ça serait bien que tu aies dit, tiens, on va rouvrir la boutique pour une émission, histoire d'aider une nouvelle fois cette dame. Il y en a plein des comme ça. Il y en a plein qui ont besoin de vous. On continue, Michel, c'est celui qu'on appelle Myriam, je vous tiens au courant, croyez-moi, Sarah ne va pas lâcher l'affaire. Merci beaucoup. Bon, ça c'est deux. On va revenir après un petit peu avec le maire pour lui donner un petit tuyau concernant les chiens-chiens. Monsieur Dark Jean-Claude, et puis une nouvelle fiche arrive, celle d'Agnès, victime d'un vol par un déménageur, nous dit-elle. Et là, c'est grave. Mais auparavant, avant de l'avoir, j'aimerais vous rappeler qu'il y a l'euro et que nous avons un rédacteur en chef qui a travaillé dans le monde du football pendant longtemps, à qui tout à l'heure j'ai demandé un pronostic. Et j'aimerais vous rappeler qu'il a du sang jamaïcain dans les veines, et pas que du sang à mon avis, car voilà l'explication qu'il nous a donnée tout à l'heure. Pratiquement comme une vague, c'est-à-dire quelque chose de très facile. Voilà, quand je lui ai demandé est-ce que la France va gagner, il a fait ou pratiquement comme une vague, je bois quelque chose de très très facile. De toute façon, depuis que les joueurs de France ont trois jambes, ils courent beaucoup plus vite, hein, si tu veux. Alors bon, bien sûr, on n'est jamais à l'abri, tu vois, d'un martien qui vient foutre le bordel dans l'histoire, mais en contournant bien l'éléphant, tu vois, sur la droite. Je pense que Skippy le kangourou peut en planter deux tout de suite. Voilà. Donc, écoutez, c'est très particulier quand même comme explication. Bon, non, allez. Bah, lui, c'est pas un flic qui l'a embrassé, notre électeur en chef. C'est une bouteille de Porto, à mon avis. Renault sur RTL. Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu, le long du trottoir, un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Ah, je la chante souvent, Nathalie, celle-là. Je suis approché d'elle et j'ai enlevé mon slip. Allez, nous allons dans une seconde, Maître Félonneau, vous avez peut-être une solution à donner au maire. Une idée, tout du moins. Une idée concernant le chien, puisque la gendarmerie nous a dit, je vous le rappelle, nous avons lancé des procédures, on verra bien où elles vont nous mener, mais ce n'est pas à la gendarmerie d'instruire. Après, c'est un procureur, je suppose, qui prend ça. Oh là, il m'a fait peur avec ça. Balancer du bignou comme ça, là. Moi, je pensais que c'était fini depuis longtemps. Donc, et il y a peut-être, le maire a peut-être une solution que Maître Félonneau va lui exposer dans une seconde. Et puis après, un vol, une dame qui accuse, alors on met ça au conditionnel, son déménageur de lui avoir piqué de la marchandise. Hey, vous m'entendez? C'est moi, l'oiseau du jardin. Waouh, je vole au-dessus des innovations conceptalu. Véranda, extension, abri de piscine et même des pergolas. Et en ce moment, à des prix exceptionnels. Véranda conceptalu, l'innovation, moi aussi j'en veux. Voir conditions dans les points de vente participants. Jusqu'au 20 juin, c'est les ventes privées chez Conforama. Et grâce à la carte Confo Plus, c'est l'occasion de profiter de remises exclusives allant jusqu'à moins 50%. Alors, c'est pas beau d'être un privilégié? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, voire conditions sur conforama.fr. Vos pieds sont secs et rêches. Vite, la solution, c'est le baume Hydra Défense Aquiléine. Grâce à ses extraits de soie, il est agréable comme une crème de beauté et incomparable pour retrouver vite des pieds doux comme de la soie. Pieds secs, déshydratation sévère, le baume Hydra Défense Aquiléine procure une hydratation 24 heures non-stop. Dès les premiers jours, les rugosités s'estompent et la peau est visiblement plus lisse. Baume Hydra Défense Aquiléine en pharmacie et espace santé. Aquiléine. Nous, c'est le pied. Bon, alors, pour repeindre ton couloir, il te faut deux choses. Un rouleau ? Ouais, ça j'ai. Et du savoir-faire ? Ah ouais, mais ça j'ai pas. Oublie, j'y arriverai jamais. Mais t'as des voisins. Des voisins ? Oui, des voisins. Alors tu vas sur Allo Voisin, tu fais ta demande « Cherche peintre pour repeindre mon couloir » et hop, tes voisins te répondent. Allovoisin.com ? Besoin d'un service ? D'un coup de main pour la maison, le bricolage ou le jardinage ? Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com ? C'est très utile, un voisin. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, bah, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, pour tout achat de pneus, Peugeot vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Ciel, mon mari, vite, cache-toi dans ce placard, derrière mes nouvelles portes pliantes KZ. Oui, elles sont nouvelles, nouveau design, nouveau coloris, en plus, elles sont faciles à changer. À tout à l'heure, toi. Pour remplacer vos anciennes portes de placard KZ, rendez-vous sur kz.fr. KZ, les placards de K à Z. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, sur RTL, nous avons monsieur le maire Jean-Claude Dard qui est avec nous. Il nous a appelé tout à l'heure pour nous dire à Auchy-les-Hédin, il y a des gens qui sont là, qui ont des chiens, 5, et vous savez à quel point nous aimons les chiens dans cette émission, mais un chien, un propriétaire se doit d'avoir quand même un sens civique, le tenir en laisse. Hier, en allant pas loin de chez vous, Hervé Pouchol, oui. Une jeune fille promener un Doberman sans laisse sur le trottoir, et il y avait un pauvre monsieur qui marchait, le Doberman n'a pas voulu l'attaquer, mais a été surpris, il s'est mis à aboyer vers le monsieur, j'ai cru qu'il allait se jeter sous un bus, le monsieur tellement il a eu peur quand il a vu le Doberman. Il faut comprendre qu'un chien ça peut faire peur et ça doit être tenu en laisse, et là ils ne les tiennent pas en laisse, ils vont dans la rue et vas-y que je mords, et vas-y que je fais peur. Donc il a une possibilité peut-être de faire quelque chose. Oui, moi je m'inspire un peu du droit de faire des travaux d'office, c'est ce droit dont dispose la mairie. Parce que quand il y a une situation urgente, une situation de péril, elle peut d'abord faire une mise en demeure de prendre les mesures. Les mesures nécessaires, ce serait au lieu d'avoir un grillage qui cède sous les chiens lorsque ces chiens se jettent quand il y a un passant qui passe, à ce moment-là, on pourrait faire un muret. Donc on pourrait, dans un premier temps, monsieur le maire, vous pourriez faire une mise en demeure à ces gens-là de construire un mur en dur, le mur qui borde leur propriété, qui le sépare de la voie publique. Et puis s'ils ne veulent pas, vous pourriez le faire vous-même. Mais surtout, vous pourriez, comme un amiable compositeur, pouvoir leur dire « Moi, je suis prêt, aux frais de la mairie, à construire ce muret si ça peut vous agréer. » Et donc, ce serait une solution d'apaisement pour les uns et les autres. Bon, monsieur Dark, on continue, on essaie de les avoir, et dès que je les ai, je vous assure, je ferai mon maximum pour qu'ils comprennent qu'il faut fermer le portail. Donc, il s'agit de la famille Ritz. On est bien d'accord ? Monsieur le maire ? C'est ça. Oui, vous êtes maire, vous, depuis quand ? Non, mais j'ai la confirmation. Parce non, que ça ce qui serait bien, par contre, c'est que le maire soit sur l'antenne. Et ça fait 40 minutes que je cherche sur... Et je peux vous assurer que c'est le nom de famille. D'accord. Ritz. Est-ce que le maire est en ligne ? Allô ? Oui, bonjour. C'est bien monsieur Ritz, le voisin ? Oui, Sébastien. D'accord. Alors, monsieur Ritz, Sébastien de Auchy-les-Hédin, soyez sympa. La seule chose, vous gardez vos chiens, bien évidemment. Mais la vraie solution, c'est de fermer le portail ou de les tenir en laisse. Parce que là, vraiment, on a alerté tout le monde. La population a peur. Merci, monsieur Ritz, Sébastien de Auchy-les-Hédin. On avance, monsieur le maire, et je vous promets qu'on ne laisse pas tomber. On va essayer de voir où en est l'enquête. Pendant ce temps-là, je vous souhaite une bonne journée, monsieur le maire. Monsieur Dark. Merci. Un bisou à Mireille, de ma part. Dans quelques instants, Agnès, et c'est peut-être lui qui sait, va savoir si monsieur Dark n'est pas avec Mireille. Nous allons avoir Agnès. Agnès qui nous dit qu'elle a été victime d'un vol par un déménageur en octobre. Bonjour Agnès. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Alors Agnès, on met ça au conditionnel parce que ce que vous nous dites est grave. Donc ils viennent chez vous, ils déménagent et apparemment, qu'est-ce qui manque ? Alors en fait, j'ai déménagé au mois d'octobre 2015 par une société de déménagement qui a pignon sur rue et qui a une implantation au niveau national. Ma belle Agnès, je comprends que vous en ayez gros sur le cœur, mais soyez sympa, répondez à mes questions qu'on gagne du temps. Je vous ai juste demandé, ils sont venus chez vous, ils ont déménagé, quand ils sont arrivés après, il manquait quoi ? Alors en fait, il manquait des vêtements, tous mes vêtements d'hiver de marque. Je m'en suis aperçue 4 jours après le déménagement. Je les ai appelés en pensant que c'était une penderie qui avait été oubliée dans le camion. Ils ont fait des recherches, ils m'ont dit que non. Je leur ai donc demandé où étaient mes vêtements. Ils n'ont pas su me répondre. J'ai envoyé une lettre recommandée 7 jours, enfin dans les 10 jours. Et en fait, je n'ai eu aucune réponse. Est-ce que ils avaient été listés, les vêtements ? Alors, les vêtements n'ont pas été listés parce que lorsqu'on fait une déclaration de valeur, on fait une liste en fonction d'ensemble d'objets. Donc en fait, les vêtements n'ont pas été listés, il a juste été déclaré une somme globale pour les vêtements. D'accord. Alors je pose la question à Maître Fellonneau avant de les appeler. Comment on arrive à fournir la preuve qu'un manteau vert, qu'un pantalon bleu a disparu ? Une facture. Alors effectivement, d'abord, elle a fait une déclaration. Non, mais on pourrait dire aussi n'importe quoi dans ces cas-là. Alors, il lui manque une penderie, en fait. Hein. Donc déjà, elle l'a fait valoir. Et puis après, elle donne les factures et puis elle dit « venez voir sur place aussi ». Mais c'est vrai que là, ça ne sera pas la parole de l'un contre la parole de l'autre. Elle a dit, déclaré avoir des vêtements, il lui en manque, elle a les factures, elle va pouvoir se faire indemniser. Agnès, vous vouliez dire ? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le déménageur que j'ai vu suite à la venue d'un expert de leur assurance, nous avons été mis face à face et le déménageur dit « c'est votre parole contre la mienne. Vous, vous dites qu'il vous manque des vêtements. J'ai la preuve de toutes les factures. » Et le déménageur dit « moi, je vous dis que non, il ne vous manque rien. » Bon, nous allons les appeler dans une seconde, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Mais en tout cas, moi, ça me donne envie pour mon prochain déménagement, pour les affaires de valeur, de les lister, de dire dans ce carton, il y a un blouson en cuir. Parce qu'effectivement, après, je comprends le déménageur qui dit « moi, qui me prouve que dans le carton, il y avait un blouson en cuir ?» Il y avait 15 cartons. C'était quoi ? C'était pas un carton, c'était des vêtements sur cintre. Oui, mais est-ce qu'il a été... Agnès, écoutez-moi, est-ce qu'il a été marqué ? Il y avait une penderie et la penderie n'y est plus à l'arrivée ? Non, ils n'ont rien noté. Voilà, non, mais vous, il y avait bien un nombre de cartons. Oui, il y avait un nombre de cartons. Donc, vous me dites c'est une penderie. Donc normalement, au départ, il doit y avoir, nous enlevons 24 par cartons et 2 penderies, mais là, on ne l'a même pas. En fait, ça se passe pas exactement comme ça. Ils emmènent les cartons, mais c'est eux qui mettent les vêtements dans les penderies. D'accord, c'est eux qui manipulent les vêtements. C'est pour ça que c'est intéressant de les appeler. Voilà, on va le faire. C'est eux qui manipulent les vêtements, voilà, exactement. Mais moi, je vous le dis, pour ceux qui vont déménager, pensez à bien noter, à mettre dans un carton les choses de valeur pour marquer que le carton est bien parti. En ce moment, les affaires Bricoman en remettent une couche. Avec la peinture façade acrylique monocouche 10 litres mosaïque, coloris blanc ou tempière, microporeuse, fongicide et algicide. Garantie 10 ans, à 45,90€ au lieu de 54,70€. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Offre valable du 10 au 25 juin 2016 dans les magasins dépôts participants. Plus d'infos sur bricoman.fr. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Carrefour, à vos côtés avec les bleus. Franck, t'es prêt pour aller faire les courses ? Ah, carrément, j'ai mon maquillage bleu-blanc-rouge et ma perruque de supporter des bleus. Mais qu'est-ce que vous faites comme ça ? Eh ben demain, si tu viens chez Carrefour habillé en supporter des bleus entre 14h et 20h, tu peux gagner tes courses. Et ceux qui seront pas en bleu, ils vont être verts. Venez habiller en supporter des bleus dans votre hypermarché Carrefour demain entre 14h et 20h. Il y a un plein de courses à gagner par magasin et par heure. Carrefour, partenaire de l'équipe de France de football. Jeu avec obligation d'achat. Modalité, règlement sur carrefour.fr. Carrefour. Pendant En ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Capture dans une compilation d'offres exceptionnelle. Et la French Touch vous sort le grand jeu à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Allez, sur RTL, c'est vrai qu'on est bien loin de David Guetta qui va jouer ce soir pour l'ouverture de l'Euro. On s'y mettra à partir de demain dans l'Euro. Mais là, on continue de vous aider. Et puis on a cette pauvre Agnès, là, et son déménagement. Essayons de savoir ce que nous dit l'entreprise de déménagement. C'est parti, nous appelons s'il vous plaît Bernard. Voilà. Donc Agnès, on est bien d'accord, c'est eux qui ont emballé. C'est eux qui ont mis les vêtements sur Pandore. Déméco, bonjour. Oui, bonjour Déméco. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec une de vos clientes, madame, sur l'antenne, Agnès Dautebourg, qui nous dit qu'elle a un petit problème avec 38 vêtements de marque qui auraient disparu et elle vous aurait envoyé des lettres recommandées et apparemment elle n'aurait aucune réponse. Alors, la personne qui gère le dossier est absente. Je vous cache pas qu'il faut qu'on refasse le point parce que je crois que c'était passé au niveau des par les assurances. Alors, c'est madame Dautebourg, je sais pas, vous avez envoyé des lettres recommandées quand, Agnès? Alors, j'ai envoyé une lettre recommandée le 28 octobre 2015. Ouais. Et ensuite, j'ai vu un avocat qui a envoyé une lettre recommandée le 1er avril 2016. Ouais. Et Déméco a simplement répondu qu'il m'avait envoyé un chèque de 500 euros qui correspond à des dégâts immobiliers, un mur qui a été abîmé, mais ils n'ont absolument pas répondu sur la disparition des vêtements. D'accord, là je ne suis pas au siège, je suis à Déméco Compiègne, c'est ça? Là vous êtes à l'exploitation en fait, nous on est au service commercial, après le service qui gère tout ce qui est SAV, la personne est absente aujourd'hui, il faudrait qu'on refasse le point sur le non. dossier. Non, mais est-ce que vous pourriez avoir l'amabilité de me passer la direction? La personne est absente, j'ai personne, là je vous dis... Il n'y a personne à la direction? Non. Mais alors écoutez, le grand patron de Déméco, il n'est pas là? Non. Ah, d'accord. Il s'appelle comment, madame, sans indiscrétion? C'est Monsieur Julien. Monsieur Julien? Non, oui. c'est son nom de famille? Ou c'est son prénom, ou c'est le petit nom que vous lui donnez? C'est son nom de famille? Non, c'est son nom de famille. Ah d'accord, ok. Oui, Hervé. Comme vous êtes Monsieur Courbet, lui c'est Monsieur Julien. Ah c'est parfait. Non, mais je croyais que c'était, du coup c'était, ça me faisait plaisir qu'il s'appelle Julien aussi. Moi j'avais Patrick Born-Auser, le PDG. Ah oui, non, là c'est le grand patron. Bah oui, c'est celui-là qu'on voulait voir. Ah mais c'est celui-là dont celui-là, je vous parlais. Ah celui-là, j'ai pas sa ligne. Hein, je suis désolée. Non mais c'est à quel numéro? Est-ce que vous avez, il faut appeler à Paris dans ces cas-là? Il faut appeler au siège de Déméco. D'accord, allez, on va les appeler. Bon, vous voyez de votre côté comment vous pouvez faire avancer ce dossier avec Madame Dautebourg, et puis on se rappelle demain, peut-être qu'il sera là demain, le responsable? Écoutez, oui, normalement demain il sera là. On espère. On espère. Il n'est pas en vacances, il n'est pas malade, rassurez-moi, tout va bien. Non. Non, en fait on ne sait pas où il est. Si, il travaille, il est en visite à l'extérieur. Alors, je me disais... Ne vous inquiétez pas, il va très bien, il n'est pas disponible là. Du coup, j'avais cette petite idée folle. Et si on lui envoyait un petit texto pour lui demander de nous rappeler, vous pensez que c'est possible? Il est en visite commerciale. Alors, c'est bien le principe du portable, parce que s'il était à côté de vous, il n'y aurait pas besoin de lui envoyer un texto. Si je vous demande votre numéro de portable, vous n'allez pas me le donner. J'étais pas en train de vous le donner. Si vous me le demandez que vous me promettez quelque chose après, vous l'aurez vite, croyez-moi. Mais madame, pas moi, je ne veux pas le donner sur l'antenne, que vous lui envoyez un petit texto. Écoutez, on va essayer de le joindre, oui, il n'y a pas de souci. Vous lui envoyez un petit texto, vous lui dites qu'on est en direct sur RTL, s'il veut bien avoir l'amabilité de nous rappeler. En plus, il écoute RTL, ça se trouve, il est dans la voiture. Écoutez, je lui fais un petit coucou parce qu'il fait un boulot formidable, ce monsieur, s'il pouvait. Cool, alors. Oui, je le sens bien cool. Ça doit être un grand brun, non? Je le sens bien comme ça. Non? Non, il est grand, mais il n'est pas brun. Un petit chauve. Bon, ok. Écoutez, vous essayez de l'avoir et puis vous lui demandez de nous rappeler. Eh ben, ça marche. Allez, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Vous rappeler. Je vous donne le numéro tout de suite. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne journée. Merci au à vous. Revoir. Pendant ce temps-là, Hervé, vous essayez d'avoir le grand patron, d'accord, en tout cas la direction. Je compte sur vous. Bah, j'ai au moins j'ai deux noms. J'ai Virginie Brunel, qui est directrice générale, donc l'un ou l'autre, on va essayer de les joindre. Et la petite alerte, dès que, bien sûr, nous avons quelqu'un. Dernier appel, hein, en tout cas, il n'y en aura pas beaucoup d'autres pour gagner le super téléviseur. 165 cm de diagonale, écran incurvé pour vivre l'euro, comme si vous étiez sur le terrain. Il est immense. Et du coup, vous pouvez inviter 70 personnes, tout le monde verra l'écran tellement il est grand. 3210. Touche numéro 2, c'est un Samsung. Et après, vous retapez le numéro 2 pour donner la bonne réponse. Samsung, c'est la qualité. Je veux dire, voilà, quand on dit avocat, on dit Felono. Quand on dit télé, on dit Samsung. Ou bien SMS, RTL au 74-900. Et maintenant, je rappelle que la drogue est interdite dans ce pays. Je rappelle qu'il ne faut pas y toucher. Non. S'il y a des enfants, ça vous mènera dans le mur. Écoutez le témoignage anonyme d'un rédacteur en chef de l'émission 9h30-11h sur RTL qui, après avoir pris des substances, a voulu nous dire qui allait gagner l'euro. Pratiquement comme une vague, c'est-à-dire quelque chose de très facile. Voyez, ça ne veut rien dire, on n'a plus les idées claires, qu'est-ce facile, monsieur Hazard? D'abord, je ne prends rien, Julien, et puis en plus, moi je sais que le match d'ouverture, l'ouverture, c'est demain soir et pas ce soir. Oui, vous avez dit non, j'ai dit David Guetta ce soir. Non, vous avez dit ce soir, Julien. Non, c'est David Guetta. On va réécouter, vous avez dit ce soir. C'est ce soir que David Guetta. Voyez, on n'a même plus la notion des dates, on n'a plus rien, c'est terrible. Mais David Guetta n'est pas un joueur de football, Arrêtez de discuter comme ça bêtement, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Regardez, on dirait un vieux clown qui fait son dernier tour de piste, sachant qu'il ne fera plus rire les enfants. C'est terrible. Allez, nous continuons. 32-10, est-ce qu'il y a d'autres fiches qui sont arrivées dans la spéciale porte ouverte avec deux couples d'amis? Nous avons réservé un séjour, je la lis en même temps que vous, et pour être honnête avec vous, je la découvre en même temps que vous, un séjour dans les îles, 3 700 € par couple. Il y a deux jours, ils reçoivent un mail pour lui annoncer que la piscine de l'hôtel sera fermée. Alors effectivement, partir en vacances dans des hôtels avec piscine et ne pas avoir de piscine, là on est bien d'accord qu'il y a un préjudice. Eh bien, est-ce que pour autant il va y avoir une réduc, etc. Il y aura un coup de gueule, je suppose. Ah oui, de Bernard Sabat. Bernard Sabat qui était en train de faire autre chose quand il a dit ah oui, ça n'a rien à voir avec le dossier. À tout de suite. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Avec Maxime et sa femme qui observent des poissons. Bah, ils profitent de la mer avec leur nouveau kit masque et tuba sans de tribord. Masque très confortable avec jupe en silicone qui épouse parfaitement la forme de leur visage. Ah, je vous interromps là, mais Maxime se fait dépasser par un gros mérou, petite frayeur. Oui, c'est ce qu'on appelle une queue de poisson. Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le kit adulte masque et tuba sans de tribord à 7,99€ seulement. Decathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur decathlon.fr. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Capture dans une compilation d'offres exceptionnelles. Et la French Touch vous sort le grand jeu à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voire Renault.fr. Il faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oui, Oscaro.com vous propose de l'huile moteur adaptée à votre véhicule. C'est simple et très économique. Facile et pas cher, je me lance. Et en ce moment, en achetant de l'huile Total Wealth sur Oscaro.com, vous pouvez gagner 2 stages de pilotage sur le circuit mythique de Manicourt. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Moi j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Quelle est votre voiture idéale? Pour moi, ce serait une voiture avec une caméra de recul. Ou plutôt deux, c'est plus sûr. Trois? Ça c'est trop, trois. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris dynamique suréquipée est à partir de 139 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre aux particuliers pour Yaris dynamique 5 portes 69 VVT-i en location longue durée 37 mois 45 000 km, premier loyer 1750 euros, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. La zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine. Eh oui, tentez de gagner deux places pour la finale de l'UEFA Euro 2016 avec Coca-Cola en faisant vos courses chez Intermarché. Oh, ça c'est du cadeau qui va droit au but. Venez vite jouer. Intermarché, tous unis contre la vichère. Règlement du jeu, modalités et magasins participants sur intermarché.com du 24 mai au 12 juin. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Dans une seconde, le cas vacances. Et des cas vacances, là, ça va commencer à tomber puisque c'est maintenant que vous commencez à réserver. Là, vous allez voir trois couples qui partent. Ils décident de casser la tirelire pour s'offrir un beau voyage. Donc, le voyage avec le bel hôtel et la piscine pour bronzer. Et là, on leur dit, il n'y aura pas de piscine. Alors, ça change complètement. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau du décorum. Vous imaginez bien que la piscine est au centre, en général, de l'hôtel, éclairée le soir, etc. Là, vous allez avoir des travaux. Et puis, surtout, ne pas pouvoir se baigner dans une piscine pendant les vacances, ça n'a aucun sens. Donc, ils veulent soit remboursement, soit un autre voyage. Et apparemment, ça bloque. Nous allons donc les appeler. Ça tombe bien, nous avons notre spécialiste voyage qui est là. Dernier appel pour l'écran téléviseur 165 cm. 3210, touche numéro 2. Puis encore numéro 2. Et vous gagnerez cet écran géant. Mais là, tout de suite, pour fêtez l'euro, tiens, The Jackson 5, Blame It on the Boogie. Five sur RTL. Vous êtes sur la première radio de France, vous écoutez le 9h30-11h. Nous sommes là pour vous aider chaque matin. Toutes les négociations ont lieu en direct. Nous faisons les mêmes numéros que vous. Ludivine est en ligne avec moi. Ludivine, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ludivine, on va faire rapido résumé puisqu'il nous reste un quart d'heure pour essayer d'avancer. Donc, trois couples. Vous décidez de partir dans les îles. 3700 euros par couple. Et là, on vient de vous envoyer un mail comme quoi la piscine sera fermée. Ça ne vous intéresse plus. Et je vous comprends. J'aurai la même réaction que vous. Vous les appelez. Et là, je suppose que vous demandez soit le remboursement, soit un autre hôtel sur une île. Oui, tout à fait. En fait, j'ai appelé et je souhaiterais surtout avoir un autre voyage dans un autre hôtel, surtout que l'agence a beaucoup d'hôtels aux alentours, c'est l'agence Thomas Cook. Et c'est très difficile de les avoir au téléphone, mais depuis 2 jours... Qu'est-ce qu'ils vous répondent, Ludivine ? En fait, ils me répondent qu'ils font tout. Alors, on est 3 couples, donc forcément, c'est un peu difficile pour eux parce que c'est 6 personnes à reloger. Bien que nous avons fait l'essai, vous savez, sur Internet, avec la même agence, comme si on réservait aux mêmes dates, aux mêmes horaires, et on a trouvé des hôtels disponibles avec des chambres disponibles. Dites-moi juste ce qu'ils vous répondent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement ? Ils me disent, écoutez, madame, on essaye de gérer votre dossier, mais sachez que ça va être compliqué. En plus de ça, quand je leur dis, vous me rappelez demain pour me dire si vous avez trouvé un hôtel, à chaque fois, ils me disent, D'accord. Alors, Ludivine, maintenant que vous m'avez dit ça, est-ce qu'il ne serait pas préférable de leur dire, remboursez-moi et vous réservez dans un autre hôtel, puisque peut-être qu'ils ont des accords avec certains hôtels et qu'ils ne peuvent pas commercialiser d'autres ? Oui, je comprends tout à fait votre cheminement, mais le problème, c'est que en fait, on a des horaires. Il faut qu'on parte exactement sur les mêmes horaires, les mêmes vols. Donc, j'ai bien peur que si je fais la démarche par moi-même, je n'ai pas le même vol et les mêmes horaires. C'est-à-dire pour des raisons tout simplement professionnelles. D'accord. Si Bernard Sabat. Oui, Ludivine a raison. Malheureusement, si elle perd ses billets d'avion avec les horaires qu'elle voulait avec les couples d'amis, ça, c'est un problème et c'est comme ça que l'agence de voyage les tient. Mais pour autant, cette agence de voyage Tour Opérateur, aujourd'hui, prend en otage les clients et leur propose éventuellement un avoir, Julien, écoutez bien, de 215 € par couple pour ce dédommagement d'une piscine fermée pendant leur séjour. C'est inadmissible, c'est inacceptable. On les appelle tout de suite, vous me laissez marquer une toute petite pause et nous lançons l'appel. Mais Bernard Sabat a raison, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait, au pire, s'ils ne peuvent pas, remboursement plus préjudice, parce que du coup c'est un préjudice, ou au mieux qu'il lui trouve un autre hôtel de même catégorie. Mais là, effectivement, c'est facile à dire sur le papier. Moi, je ne connais pas le fonctionnement des agences de voyage, mais on ne peut pas comme ça dire « Trouvez-moi un autre hôtel ». Il l'aurait fait peut-être s'il l'avait, mais s'ils ne l'ont pas, il va falloir qu'il rembourse et qu'il donne plus. Mais Ludivine, ne croyez pas que parce qu'il y a un hôtel de libre quand vous allez sur Internet, que Thomas Cook peut comme ça, parce qu'il y a plein d'hôtels, d'agences qui préemptent les chambres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est mais par contre, il faut non seulement rembourser et payer un préjudice pour vous offrir de plus belles vacances après. Ludivine, le départ est quand, s'il vous plaît ? Alors, le départ, c'est le 18 juin à 15h30. D'accord. C'est court. Sincèrement, Julien, non mais 18 juin, c'est moins inquiétant que prévu. Allez, on y va. Dans une seconde, on appelle et nous verrons bien ce qu'ils vont nous dire. 3210, porte ouverte. Nous réglons chaque matin entre 9h30 et 11h vos problèmes et en faisant les mêmes numéros que vous. Merci de nous être fidèles. 194 € par mois, offre valable pour une Seat Leon référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non mais tu veux pas que je la fasse pour le plaisir parce que La Seat Leon référence à partir de 194 € par mois, à ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2 700 € suivi de 36 loyers de 194 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur seat.fr. Venez en profiter ce week-end lors des portes ouvertes chez votre partenaire Seat. Ouverture selon autorisation. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oui, et ils mettent le paquet pour les fans de foot, hein. En ce moment, le sachet de 75 grammes de mini saucisson sec pur porc est à 92 centimes. Les mini saucissons secs à 92 centimes ? Moins d'un euro chez Lidl ? Alors là, on est hors jeu, hein. Oh, sûr patron, hein. Et en plus, il y a le choix, hein. Nature, noix ou chorizo. J'en ramène pour la mi-temps. Toi, je vais te mettre sur la touche, hein. On est mal, hein. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 12,27 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soche présente. Eh, tu sais quoi ? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez Soche. Ben Polo, qu'est-ce qui t'arrive ? T'arrives à le dire d'habitude ? Non mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99 € par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange. Le réseau mobile numéro 1. Ah oh, super ! J'ai passé chez Soche. Oh mince, oh ! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99 € par mois pendant un an, puis 19,99 € avec le code Soche promo. Soche ! Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99 € par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Salut! Aujourd'hui, comment prendre soin de ta Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone? Alors c'est super simple, tu vas sur internet et tu tapes l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Sélectionne le point de vente le plus proche de chez toi, clique sur la date et l'horaire qui t'arrange et tu valides ton choix. Prenez rendez-vous ou faites réaliser un devis pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Cache-toi dans ce placard, derrière mes nouvelles portes pliantes, KZ. Oui, elles sont nouvelles, nouveau design, nouveau coloris. En plus, elles sont faciles à changer. À tout à l'heure, toi. Pour remplacer vos anciennes portes de placard KZ, rendez-vous sur KZ.fr. KZ, les placards de K à Z. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous faisons le numéro de l'agence Thomas Cook où Ludivine a acheté ce voyage. Ludivine vient de recevoir un mail. Il n'y aura pas de piscine dans l'hôtel. Vous allez au ski, vous recevez un mail. Il n'y aura pas de remonte-pente dans votre station. Comme si on disait, je veux passer une nuit avec Maître Felonneau et... Vous receviez un mail, mais je ne peux pas dire ce qu'il y a dans le mail. Ah, Thomas Cook va répondre. Je l'espère. Ah non. Je rappelle que c'est le roi Lion qui travaille maintenant chez Thomas Cook depuis peu. Il a été engagé sur son CV. Comme il connaît parfaitement bien l'Afrique, nous vous remercions de bien il a proposé ses services à Thomas Cook et maintenant on l'a engagé. Et c'est lui qui le matin ouvre l'agence en faisant comme dans la chanson et... Ils répondent au bout de combien de temps, Ludivine ? Ouh là là, bah ça c'est un vrai problème. Parce qu'avant d'avoir ces soucis-là, on avait d'autres soucis de prélèvement. Ils ont prélevé l'argent sur, de deux couples sur le même compte et je vous assure que la semaine dernière, on a passé c'est pas vrai. Toute la semaine à les appeler. Est-ce qu'il y a, alors à titre exceptionnel, puisqu'on nous faisons les mêmes numéros que les auditeurs, Bernard Sabat, est-ce qu'il y a un siège que l'on pourrait appeler ? Oui, il y a un siège évidemment dans la banlieue parisienne, donc on pourra le tenter en parallèle si vous voulez. Non mais c'est maintenant qu'on va le tenter en parallèle. Il faut que je le trouve, hein. Laissez-moi 30 secondes. Il est 10h52, oui, c'est ce qu'il fait également quand sa femme lui dit « Vas-y, occupe-toi de moi », il faut que je le trouve. Alors, attendez, on va faire ça, on va chercher le deuxième numéro, si vous le voulez bien, et avancer dans l'histoire de Thomas Cook. Je veux une alerte dès qu'il y a quelqu'un. En parallèle, nous revenons maintenant sur un autre problème, c'est celui du déménagement. Alors, nous avons eu du nouveau, Maître Felonneau, sur le déménagement. Qu'avez-vous appris ? Oui, parce que je croyais qu'il manquait une penderie, hein, ces cartons penderie. Ben, en fait, non. Ce qui se passe, c'est que les vêtements ont été pris un petit peu dans chaque penderie. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas aperçue de quoi que ce soit au moment, le jour du déménagement. C'est-à-dire qu'il ne manquait pas une penderie. Il ne manquait pas une penderie. Ils ont pioché. Enfin, quelqu'un a... Ils auraient... Quelqu'un a pioché dans les penderies et c'est d'où la difficulté de preuve que j'avais du mal à saisir au départ. Nous ne savons pas si c'est un déménageur qui a fait ça, nous ne savons pas ce qui s'est vraiment passé. Nous avons une auditrice qui nous dit « À l'arrivée, il me manque 38 fringues de marque ». Mais c'est vrai qu'aucune n'était sur le même pendant que l'autre. Donc on ne peut pas dire qu'il a manqué un colis. C'est comme si on ouvrait un carton et on prenait juste une tasse. Et puis dans l'autre, on prend juste une... Ça laisse quand même, à moins qu'il n'ait pas été mis à l'intérieur, qu'ils aient disparu avant et que ce soit la responsabilité de notre auditrice, ça n'a pu se passer qu'au cours du déménagement quand on a mis les vêtements dans les penderies. Nous essayons de les avoir. Nous avons appelé l'agence et nous essayons d'avoir le grand patron Hervé Pouchol. Oui, la directrice générale qui s'appelle Virginie Brunel qui devrait nous rappeler d'ici quelques minutes. Il est 53, à mon avis, ça va se jouer demain. En tout cas, on reprend tout demain. Ne vous inquiétez pas, c'est le principe de l'émission 9h30, 11h. C'est un feuilleton, donc ça veut dire que si nous n'avançons pas avec Déméco, on relance Déméco. Pour la bonne forme, on relancera aussi le propriétaire des chiens. Nous continuerons à voir si l'artisan veut bien nous répondre qui laisse cette mère et son fils dans une situation détestable. Et nous verrons comment nous organiserons un mouvement de solidarité. Et là, où en est-on ? Peut-on relever le potard, puisque ça s'appelle comme ça dans le milieu de la radio, sur lequel il y a Thomas Cook ? Et c'est toujours la musique. C'est quand même une histoire de fou, ça, Bernard. Hein, une agence de voyage. Alors, donc, ils se sont trompés. Ils ont pris deux prélèvements sur une famille, alors qu'il y en a trois. Et ils viennent d'annoncer, je le rappelle par mail, qu'il n'y aura pas de piscine dans l'hôtel. Alors oui, ils avaient l'obligation de le faire, mais on est à 9 jours du départ. C'est pas normal. Il faut donner des explications claires, oui. Mais il faut trouver surtout des solutions, clients. Peut-être quelqu'un. Attention. Ça sera peut-être le miracle du jour. Auquel cas, vous expliquerez, Bernard, oui. Hein, parce qu'on est en fin d'émission. Bonjour. Allô, Thomas Cook ? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur, j'ai besoin de parler à un interlocuteur de chez vous concernant une dame qui doit partir dans les îles et qui vient de recevoir un mail comme quoi la piscine de l'hôtel est fermée. Donc ça l'intéresse plus du tout et on essaie de trouver une solution. Puis-je vous passer quelqu'un s'il vous plaît, monsieur ? Ah bah, ne quittez pas, je vais vous passer les bonnes personnes. Bah d'accord, donc moi je lui passe la bonne personne et lui-même va me passer la bonne personne. Donc nous aurons deux bonnes personnes en communication dans une seconde. Pendant qu'on cherche les bonnes personnes, eh bien, la bonne personne, c'est celle qui va se retrouver avec un téléviseur Samsung. Le plus beau des téléviseurs, la Rolls, de 165 cm, avec les écrans incurvés, en tout cas les bords incurvés, pour que tout le monde puisse voir de la même façon. Nous allons voir qui va gagner ce fameux Samsung. Ça devrait sonner dans une seconde. Une femme, un homme, je n'en sais rien. Alors ? Allô ? Oui, je ne peux pas te parler fort, nous ne sommes pas seuls. Allô ? Oui, tu m'entends ? Allô ? Claudine ? Oui ? Tu m'entends ? Oui ? Je ne peux pas parler fort, je te dis. C'est qui ? Bah, c'est qui, à ton avis ? C'est celui que tu vois régulièrement. Est-ce que ton mari est là, à côté de toi ? Je suis même pas mariée. Bon, justement, c'est pour ça que j'appelle. Ah, ça y est. Ah ! C'est génial ! Comment ça va, Claudine ? Putain, ça va trop bien ! Oh, mais ça va aller encore mieux avec un écran de 165 cm de diagonale. Ah, c'est trop bon, ça ! C'est bon. Un écran de cinéma qu'on vous envoie, carrément. Ah, ça va être excellent, merci. Bon, vous allez regarder le foot un petit peu ? Non, pas du tout. Ben voilà, parce qu'on peut aussi voir d'autres programmes. Enfin une normale. Bon. Non, je regarde pas le foot, moi. Eh bien, vous allez vous faire des bons films. Ah ouais. Hein, ouais. Avec, en général, des comédies romantiques. Les filles adorent ça, qui font pleurer à la fin quand ils s'embrassent. Et sur un écran de 165 cm, c'est un méga cadeau. Hein. Le téléviseur Samsung est une petite merveille, voilà. Ah bon. Ben, c'est excellent, merci, génial. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Secrétaire commercial. Bon, et en tout cas, je peux vous dire que normalement, avec un écran comme ça, vous devriez trouver quelqu'un rapidement, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez seul. Ça dépend des fois. Ah ! D'accord. Bon. Bah ouais, quand même. Ouais, bah effectivement. Non, ça, on le dit toujours, hein. Même pour les modèles de collection, il faut faire tourner le moteur au moins une fois par mois. Bon, Claudine, je vous fais un gros bisou et à très bientôt. C'est délicat. Au revoir. Non, mais je disais pas ça pour Claudine. Ah non, bien sûr. Je disais ça pour les voitures de collection. Ouais, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants demain. Ça sera le dernier écran. Ça y est, regardez le pouchol qui sautille de tous les côtés, qui essaie de voir ma fiche. Je ne donnerai pas mes sources. Vous n'aurez pas le numéro de Claudine. Ah si. Demain, c'est le dernier écran. Vous m'avez entendu, dernier écran à gagner de 165 cm Samsung. Alors soyez là dès 9h30. Kia. Voilà, les premières surprises de l'euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Ah, les jardins au printemps. Moi, j'ai des envies de jardiner. C'est vrai, la nature se renouvelle, les couleurs explosent. Et oui, Stéphane, c'est le moment de jardiner. Et ça tombe bien. Jusqu'au 18 juin, c'est le grand jeu Tous au jardin chez Gamme Vert, avec plus de 50 000 euros de cadeaux à gagner. Gamme Vert, le goût du jardin. Jeu gratuit sans obligation d'achat, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le rénov. J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Hier, nous avions le maire de Dordive qui nous parlait. Il avait besoin de caravanes, de mobilhomes suite aux inondations. Il en a reçu grâce à vous, auditeurs d'RTL. Donc ça continue la mobilisation. À l'instant, une alerte, 20 secondes. Oui, pour Ludivine et son voyage aux Maldives, la direction générale de Thomas Cook devrait nous rappeler cet après-midi. Donc on aura du nouveau demain matin ou lundi, Julien. Allez, tout ça, vous allez le retrouver demain matin. Merci Maître Felono, merci Hervé, merci Bernard et toutes les équipes d'Alain Hazard. Il y a Stéphane qui est là déjà en place. Absolument, mon cher Julien. On va se détendre un peu maintenant avec une merveilleuse humoriste. Elle a beaucoup de succès et beaucoup de talent. C'est Nawel Madani qui est avec nous ce matin dans La Bonne Heure. Eh bien, éclatez-vous bien, on va écouter ça. Promis, ça, comptez sur nous. Bah oui. Ah, et oui. Allez, les bleus. Oui. Bah évidemment. Ah oui, puis les bleus. Allez, Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL, 11h. L'information sur RTL, c'est avec Céline Landreau. Rebonjour Céline. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Une semaine après sa fermeture face à la crue de la Seine, le RERC recommencera à circuler demain à Paris. Mais une reprise sans retour à la normale, seul un train sur deux circulera en raison de la grève. La grève qui continue encore aujourd'hui à la SNCF pour le 9e jour consécutif. Trafic toujours perturbé, 4 TGV sur 5, 6 TER sur 10 et 1 Transilien sur 2. Le taux de grévistes lui est quasiment stable à 7,9%. Aujourd'hui. Autre symbole de la contestation contre la loi travail, ces poubelles qui s'accumulent dans les rues de Paris et de Marseille. Les principaux sites de traitement des déchets sont toujours bloqués en région parisienne comme à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Ce matin, le ministre des Sports Patrick Kanner dénonce une guérilla syndicale qui gâche la fête et l'image de la France à la veille de l'euro. Ce bras de fer qui s'éternise entre le gouvernement et certains syndicats, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur RTL. Les conflits sociaux vont-ils ternir l'image de la France. On attend vos réponses sur notre site rtl.fr et vos appels au 3210 dès midi. RTL Euro 2016. L'euro côté sport, maintenant changement de décor pour les Bleus à la veille de leur premier match. L'équipe de France vient de quitter Clairefontaine et prend ses quartiers dans un hôtel parisien à Bercy. Raphaël Vantard, vous êtes devant l'hôtel des Bleus, un établissement très surveillé. Allez, les abords de cet hôtel sont effectivement très très surveillés. De nombreux policiers ont pris position en uniforme et en civil tout autour de l'établissement où les Bleus vont passer leur dernière journée avant d'affronter la Roumanie demain. Les employés de l'hôtel sont d'ailleurs en train de nettoyer les dernières vitres pour que tout soit parfait pour les joueurs. Des barrières métalliques sont disposées pour canaliser les supporters sur le trottoir en face de l'hôtel. Des supporters qui commencent doucement d'ailleurs à arriver, à prendre les meilleures positions pour espérer bien sûr un autographe ou une photo. Les Bleus, vous le disiez, sont en train de quitter leur camp de base à Clairefontaine. Ils devraient être ici dans leur hôtel de Bercy dans une petite heure avant le dernier entraînement. Les derniers réglages, ce sera ce soir au Stade de France. Merci Raphaël Vantard et en attendant le premier match demain face à la Roumanie, place à la fête dès ce soir sur le Champ de Mars pour l'ouverture de la Fanzone Tour Eiffel avec un concert de David Guetta. Un sixième suspect en garde à vue dans l'affaire de la voiture de police incendiée à Paris. Le véhicule avait été incendié par des manifestants le 18 mai dernier alors que deux policiers étaient à bord. 5 suspects ont déjà été mis en examen dans ce dossier, notamment pour tentative de meurtre. Un mot du temps, ensoleillé sur une grande partie du pays aujourd'hui, même si des averses persistent des Vosges aux Alpes-Maritimes et sur la Corse. Les températures de 17 à 31 degrés cet après-midi des côtes de la Manche au golfe du Lion. Vous aurez 22 degrés à Amiens, 23 à Strasbourg, 24 à Paris, 25 à Biarritz ou encore 28 degrés à Bordeaux. Le quintet secours à Vichy. Aujourd'hui, Bernard Glass vous propose de jouer le 5, l'As, le 8, le 3, le 15, le 12, le 18 et le 17. 5, As, 8, 3, 15, 12, 18 et 17. Sa dernière minute, c'est le 18 Swedish Man. Il est 11h03, vous écoutez RTL. Et à la bonne heure, vous retrouvez maintenant Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Céline. Et nous retrouvons naturellement Céline Landreau à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Mais nous plongeons dans À la bonne heure avec une invitée merveilleuse. C'est la première fois qu'elle vient nous voir dans À la bonne heure et je suis ravi de l'accueillir. C'est Nawel Madani. Bonjour. Je vais vous présenter de façon un peu plus circonstanciée. Merci. Dans un instant. On va vous retrouver à l'Olympia dans quelques jours, enfin dans un mois exactement. Exactement. Et on va parler de ce que vous faites et vous nous faites déjà beaucoup rire, donc c'est déjà pas mal. Surtout qu'on en a besoin. Je vais vous présenter mes petits camarades. Comme vous, elle est féministe, elle est observatrice et culottée et pourtant elle n'est pas belge, elle est juste en colère. C'est Joël Goron. Bonjour Joël. C'est vrai que je suis très contente de rencontrer cette jeune femme, oui, dont j'ai vu des extraits de son spectacle, et franchement je suis assez époustouflée. Sur Minitel, vous avez vu des extraits? Non, sur Internet. Je sais le faire marcher tout ça maintenant. Marcher, ouais. Exactement. Vous voulez tout savoir sur le prix de l'humour en politique? Eh bien, vous saurez tout dans la marque du maillot avec Régis Maillot. Bonjour à tous. Bonjour Régis. Effectivement, la concurrence est rude, je vous le dirai tout à l'heure. Bah si maintenant les hommes politiques veulent vous faire concurrence, ça va devenir difficile. Ah bah, Présentez-vous aux élections, je vois que ça. Quitte à prendre des guignols, autant prendre des professeurs.